à la lisière des mondes, ourlet d'or, ourlet de vent. Dis-moi le tissu qui enveloppe le secret des migrants. Les grues, les hirondelles, les canards sauvages, leur mélodie dans l'espace aux ailes déchirées, le dessin effilé de leur bec penché sur le rivage, à portée d'innocence. À la lisière des robes des saintes sculptées, dis-moi la pierre qui scelle la parole des errants. Les rondes et les danses dans l'espace des corps, leur psalmodie muette à gorge serrée, où les questions se pressent et la douleur s'endort à portée d'inconscience. Blottis sous les feuillets soudaines, clandestins d'harmonie, fraudeurs de beauté, paraissantes les ruelles, les détours du champ, et l'odeur des glycines et l'odeur du lilas à portée du silence. Dis-moi qu'il est encore des choses sous les noms. De l'épicéa moucheté, du bourgeon éclaté, qu'il est encore des pays et des songes. Toi le disparu, l'évanescent, à la lisière des mondes, du passé et du présent.